On va parler de curling avec notre ami Marc-André Guénard, puisque sa fille, Laura Guénard, fait maintenant partie d'une équipe avec des joueuses de Alma, Québec et Montréal. Et en fait, ça va, ils ont réussi quand même une exploit remarquable. C'est qu'ils ont réussi à se qualifier pour le championnat national junior de curling qui va avoir lieu à Victoria, en Colombie-Britannique. Et question d'en savoir davantage, bon, on lui parle. Salut Marc-André! Salut Danny! Marc-André, si on parlait d'abord de ce tournoi-là, c'est le plus prestigieux, là. Oui, disons que c'est l'objectif ultime là, de toutes les équipes de curling junior qui aspirent à faire de la compétition, d'aller au championnat canadien junior qui est tenu annuellement. Le gagnant, ça, le championnat canadien junior peut même aspirer à aller à un championnat mondial par la suite. Donc, c'est vraiment là, au niveau du curling canadien, c'est junior, c'est le top. Là. Tu peux pas aller plus haut que ça. Là. OK. Mais est-ce qu'au départ, tu t'attendais de te qualifier pour ce tournoi-là? Est-ce que c'était l'objectif ultime? Ben oui, c'était l'objectif. C'est l'objectif depuis, si on parle de Laura, c'est l'objectif depuis 2012, se qualifier ouais. pour ce tournoi-là. Il y a eu quelques passés proches, une année ou deux des déceptions. Et puis, cette année, ben l'équipe avec qui Laura évolue était quand même encore classée numéro un dans le tournoi. Mais comme on dit souvent, c'est un tournoi de même, c'est pas un 4-7. Hein. Des fois, en finale, c'est un match. En semi-finale, c'est un match. Tout peut arriver. Fait que, non, les filles, ils ont très, très, très bien performé en fin de semaine. Toute la semaine passée. OK. Là. Puis la compétition était forte aussi, là, j'imagine. Là. Ben, il y avait des bonnes équipes. Là. Les meilleures équipes juniors étaient là. Ça jouait entre trois équipes. Puis il y a eu une équipe surprise qui s'est faufilée dans le quatuor dans le carré d'As, de sorte que nous autres, on s'est ramassés. On a fini troisième dans le tournoi à la ronde. L'équipe a fallu, pas moi parce que je coach plus, là, mais l'équipe a fallu qu'elle fasse un quart de finale. Elle a fait un quart de finale, demi-finale, finale. Fait que a commencé lentement un peu la compétition, mais à mesure que les matchs avançaient, l'équipe prenait confiance, puis on finit très fort. OK. Là, je l'ai dit d'entrée de jeu au début de l'entrevue, il y a une équipe qui est à... il y a une joueuse qui est à Dolbeau, il y a une joueuse qui est à Québec, il y a une joueuse qui est à Montréal, puis l'autre joueuse est à Alma. Comment on fait pour rassembler tout ça puis installer une chimie? Ça peut pas être facile. Ah non, c'est pas facile. L'équipe s'est composée à la fin d'année passée, là, vers le mois de mars. Depuis ce temps-là, il y a eu une pratique par mois à Québec. Le lieu de rassemblement, c'est Québec. Okay. Une fois par mois, il y a des pratiques, une fois ou deux par mois, plus les tournois des circuits. Là. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que ça a été plus long à mettre en marche. Là. C'est des joueurs qui se connaissaient. Contrairement à des équipes qui pratiquent hebdomadairement ensemble, qui font des games ensemble, nous autres, l'équipe était composée de joueurs, on peut dire d'élite, mais que ça prend un certain temps avant que la chimie s'installe. Puis des fois, quand tu veux pas, tu penses que t'as des très bons joueurs, tu penses que ça va arriver tout seul. Puis c'est pas tout à fait ça, là. Les autres équipes sont là pour gagner aussi. Ben oui. Mais comment ça fonctionne? C'est des joueurs qui se connaissaient d'avance ou ils sont connus l'année passée? Ah, ben ils se connaissent tous. Hein. C'est un milieu quand même. OK, hein. OK. Laura faisait déjà partie de cette équipe-là l'année dernière. OK. Il y a une joueuse qui a quitté l'équipe. Donc c'est là qu'ils ont repêché Emilia Gagné d'Alma. Fait que il y avait trois jeux sur quatre que c'était leur deuxième saison ensemble. Là. OK. Puis Emilia Gagné d'Alma elle nous joindre aux autres comme deuxième pour renforcer l'équipe. Puis c'est ça, c'est de même que l'équipe a été formée. OK. Puis ils sont entraînés par un excellent entraîneur de la région de Québec, lui c'est ça va faire la cinquième fois qu'il participe au championnat canadien avec différentes équipes. OK. Puis là, ça va être fort, là, j'imagine. Là, ça va être extrêmement... Ouais, là, c'est très, très... ça va être fort, là. Tu s'en vas affronter des provinces comme l'Alberta, Manitoba, l'Ontario, Mais d'après l'entraîneur, il y a quand même des chances de podium. Donc, ah oui? Okay. Il part pas confiant à 100%, mais les chances de podium sont quand même là. Ouais, OK, OK. Parce qu'il connaît les équipes, il connaît bien le là-dessus. Ouais, il connaît les équipes adverses, puis il connaît surtout la force de l'équipe qu'il a entre les mains, puis que la façon qu'ils ont performé en fin de semaine, la semaine dernière, lui, il évalue qu'un podium peut être possible. Oui, monsieur, OK. Donc, ça va être intéressant quand même. Là, c'est quoi d'ici à ce temps-là? Parce que là, c'est du 21 ben, au 21. C'est vite, là. C'est ouais, c'est ça. Vite, là. C'est le 21. L'équipe quitte le Québec le 19. Ouais. En fin de semaine prochaine, ils ont une pratique à Québec. Ils profitent du championnat provincial hommes et femmes qui a lieu dans l'aréna de Lévis. Cette semaine, ils vont profiter de ça en fin de semaine prochaine pour aller pratiquer à Lévis sur des glaces d'aréna, comme on voit à la télévision. Là. OK. Parce que c'est pas tout à fait pareil des glaces d'aréna ou des glaces de club. Là. Fait qu'en fin de semaine prochaine, ils vont aller pratiquer sur ces glaces-là parce que c'est le type de glace qu'ils vont avoir à jouer à Victoria. OK, OK. Puis ça, l'année passée, on se parlait, puis c'était pas les mêmes genres de glaces. Là, hein. C'est ça. L'effet de courbe est différent, les sensations. Jouer aussi devant une foule. Parce que là, il y a une foule, là, c'est pas tout à fait pareil. Là, la communication est un peu différente. Il y a du beau curling qui s'en vient. Ah oui, effectivement. Mais ouais. Donc on va suivre ça de très très près. Ça commence le 21. J'imagine que toi, tu dois t'envoler quelques jours d'avant. Quelles questions, évidemment, s'acclimater, un décalage horaire de 3 heures? Ben, eux autres, c'est ça, eux autres, ils partent le 19. Nous, en tant que parents, on n'a pas besoin de... Ouais. Tant que ça, de s'acclimater. Là, nous autres, on compte quitter le 20. OK. Le 20 janvier pour être là au premier match. Contre, je pense que le premier match, c'est le Nunavut. OK. En principe, le Nunavut, c'est pas une force. Donc, ça devrait bien aller. Mais c'est une glace de curling, tout peut arriver. J'aimerais mentionner aussi, pour l'oral, là, ça se trouve être l'objectif qui lui manquait dans sa carrière de curling junior. Elle a été championne des Jeux du Québec, championne deux fois des 18 ans et moins, trois qualifications dans des tournois d'importance. Il y a les Jeux du Canada qu'elle n'a pas non plus à son actif parce que en raison de l'âge fitait jamais, soit qu'elle était beaucoup trop jeune ou beaucoup trop ou trop vieille. Et puis là, il manquait ça, le championnat canadien, le championne provincial junior, il manquait ça. C'est quand même un bel exploit là que depuis 2011 aller jusqu'en 2017. C'était vraiment un exploit qu'il faut mal réactionner. Hey, tu diriges-tu l'équipe de Christopher Gagnon encore cette année, en passant? Oui, moins comme... plus en recul, c'est plus Daniel là, Donc, Gagnon qui s'en occupe en tournoi. Là. Mais tu dois savoir un peu comment ça fonctionne cette année, donc l'équipe, c'est quand même positif, hein? Oui, c'est positif. Il y a eu des changements de joueurs. Je sais qu'en fin de semaine, ils ont un tournoi à la région de Chicoutimi. L'important pour eux autres, là, c'est d'aller de se qualifier pour le championnat des 18 ans et moins qui va avoir lieu au mois de mars. Okay. Donc, là, d'ici au mois de mars, il faut que l'équipe s'aille en progression s'ils veulent espérer remporter le titre. Donc, l'équipe, ça suit le plan de l'équipe. Puis, devrait fonctionner. Ben, bravo Marc-André, on va se reparler sûrement quand tu seras à Victoria pour savoir un peu comment c'est aidé. Oui, tu m'appelleras, il n'y a aucun problème. Marc-André Guénard de Dolboom, ceci, sa fille Laura qui va participer au championnat junior canadien qui aura lieu à Victoria à la fin janvier.